Merci beaucoup à Prisca avec son autorisation de nous avoir ouvert notre sujet de ce soir. Un sujet très important. Et je vous informe que ce soir, vous serez gâtés parce que nous aurons deux sujets. Je ferai tout le possible pour que nous puissions avoir ce sujet-ci pendant une heure et il y aura un deuxième sujet. Je vous l'annoncerai à la fin. C'est un sujet très intéressant. Ça s'adresse surtout à nos mamans, car c'est un sujet, je vous dis, ça va vous intéresser. Et invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît. Veuillez inviter encore. Je vais pouvoir faire passer un peu la musique afin de permettre à tout le monde de répondre présent à cet enseignement qui ne va pas prendre trop du temps. Et vous avez déjà le titre qui est sur l'écran, le pouvoir Est-ce que nous sommes le pouvoir ou bien nous avons le pouvoir? C'est là, c'est le même pouvoir, mais qui se manifeste sous le verbe avoir et le verbe être. To be or not to be, to have and not to have. Avoir et ne pas avoir, être et ne pas être. Donc, c'est sur ça que nous allons naturellement parler ce soir. Donc, je vous invite d'inviter le maximum de personnes. Nous continuons toujours avec un peu de la musique de chez nous. Cette fois-ci, nous allons écouter Papa Nzengui, un frère, un grand frère, bien plongé dans la spiritualité et dans le poétique. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Invitez le maximum, s'il vous plaît. Merci donc d'être tous entrés ici sur Tetan Zambé, le Tout-Puissant Kana, notre chaîne du savoir, où nous allons donc échanger pour quelques instants. Je vous autoriserai de poser les questions, naturellement, comme d'habitude. Vous avez ce droit de poser des questions, parce que c'est un sujet, comme d'habitude, hein, je ne me prépare pas dans mes sujets. Ce sont les génies qui ont décidé que je puisse parler de ce sujet. Je vais donc utiliser le mot, le pouvoir. Le pouvoir. Eh bien, si vous cherchez le dictionnaire, d'abord, une fois de plus, bonsoir à tout le monde, c'est Jérôme, et invitez les amis, parce que c'est un sujet très important. Je crois que j'en ai parlé dans d'autres enseignements sous une autre forme, mais seulement j'ai effleuré. I can see, thank you, somebody's calling from Saudi Arabia, I do appreciate watching from Saudi Arabia, and I guess we spoke already, it was in English, I guess, I'll do my best, some part of this will be mainly in French, but you know, the main ideas, the main what we call the focal points will be emphasized as well in English. So today we're going to talk about power. To have the power and to be the power, there's great difference over here. So that power comes from somewhere. We need to find out where is this power coming from and what's the definition of power, okay? So, pardonnez, de temps en temps, je balance en anglais parce qu'il y a des anglophones qui nous suivent. Quelqu'un que je viens de faire la connaissance qui est en Arabie Saoudite. Donc, aujourd'hui, nous parlerons justement du pouvoir, de manière générale. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir, de manière générale, n'a pas une définition vraiment longue. C'est quoi? Quand vous irez vérifier dans les dictionnaires, on vous dira que c'est la faculté de faire. C'est la capacité ou la capacité ou être en mesure. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça le pouvoir. Être en mesure de dire ou de faire, être capable de faire ou d'avoir ou d'obtenir. Et c'est ainsi que vous avez les pouvoirs politiques, vous avez le pouvoir décisionnel. Quand on parle du pouvoir politique, ça veut dire que c'est le politique qui peut décider du devenir d'une nation, c'est le politique qui peut décider de la destinée de son pays, du devenir du point de vue sociologique, politico-économique et tout ça. C'est également le pouvoir judiciaire qui peut décider du sort d'un violeur de loi. C'est le pouvoir traditionnel au cours des réunions des anciens qui peut décider du sort de quelqu'un qui est sorti en vampire et il a osé aller lorgner le chef de village dans son coin. C'est du sort, bref, voyez-vous, le mot pouvoir, on le retrouve partout. Mais il y a également, à la conclusion, je vous parlerai d'un pouvoir. C'est le pouvoir sans conscience. Oui, il existe également. Ça, c'est moi, je ne sais pas, mais c'est par mon expérience spirituelle, je me suis rendu compte que il y a ce qu'on appelle le pouvoir sans conscience. Et ce pouvoir sans conscience, je l'ai appelé le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le mot que je ne me dis là? Le pouvoir superficiel. C'est un pouvoir superficiel. Et nous comprendrons pourquoi. Donc, allons-y d'abord. Le mot pouvoir, il n'y a pas, il y a certes plusieurs pouvoirs avec S, mais qu'ils sont sous, qui dérivent tous du pouvoir, en un mot, le mot pouvoir. The power. All these little powers, political powers, judicial power, you name it, social power, the man power, women power, you know what I'm saying? The chief of a village. A sheriff power, police power, black man power, white power. All this. Pardonnez, il y a eu une petite interruption. Okay. Je disais donc, j'étais en train de parler en anglais. I was saying the power. The word power, it's got a different power underneath the word power. When we think about a power, we're thinking about what? Strength. The capacity. Being able to, we ought to, we can do, we can. So the ability, all right, political power, judicial power, business power, you name it. Donc, nous avons tous ces différents pouvoirs, mais qui dérivent tous du véritable pouvoir. Et souvent, le commun des mortels associe ce pouvoir à celui que nous avons tous conventionnellement accordé pour appeler Dieu. Yeah, that's what all the human beings, the mankind decided to, to associate the word power. Some sort of strange things you cannot have control. It's coming from somewhere you cannot control. Beyond our thinking, beyond our soul and spirit. And then we said, God, the Almighty Power. Donc, c'est de là. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous dire que le même pouvoir, vous pouvez soit l'avoir ou bien vous pouvez l'être. C'est-à-dire, inné de votre naissance, vous avez déjà ce pouvoir. Mais malheureusement, certains d'entre nous le perdent. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, commençons donc par le premier fait, c'est-à-dire le pouvoir qui consiste à, c'est-à-dire le pouvoir que l'on a, le verbe avoir. I have the power. So when you saying I have the power, lorsque vous dites j'ai le pouvoir, mais de quoi fait-on allusion en réalité? De quel pouvoir on parle? Souvent, on fait allusion au pouvoir par rapport à notre milieu sociologique ou social, à notre environnement direct ou indirect, par rapport aux relations que nous avons, par rapport au rang social que nous occupons, par rapport au... En un mot, c'est beaucoup plus dans un domaine d'influence. C'est dans ce sens qu'on dit, I have power, j'ai le pouvoir. Et vous avez, généralement, quand vous avez ce genre de pouvoir, si vous êtes quelqu'un qui est, comment dirais-je, un pouvoir qui dépasse l'entendement de tout le monde, les gens vont se poser des questions, mais mon frère, mais comment tu as fait pour être là? Mon frère, la vie. Hein. Là, je parle du cas de quelqu'un qui, il n'était rien du tout. Et nous connaissons des cas comme ça en Afrique. Le gars n'a même pas un niveau bac. Le gars a peut-être un niveau CM2. Le gars, il connaissait même pas qui était le chef de l'État français. Qui ne... Bref, c'est des exemples que je prends. Mais un bon matin, le monsieur est propulsé haut conseiller aux Champs-Élysées, haut conseiller auprès des questions africaines. Et les gens se posent des questions, mais le mec là, comment il a fait? Même s'il a un bac ou il n'a pas de bac, ou bien je ne sais pas, il a des masters. Et pourtant, il y a des gens qui sont bardés, des doctorats, des masters. Mais malheureusement, ces gens-là, on les oublie. Pourquoi lui? Alors, ça, ce genre de pouvoir-là, c'est ce qu'on dit. I have the power. I have power. D'accord? En ce genre de pouvoir, on dira, j'ai le pouvoir. Mais quand vous avez le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à votre naissance, là, je vous explique les origines et les sources de pouvoir que certaines personnes ont. C'est-à-dire de manière innée. Vous vous demandez, mais pourtant le mec là, on est parti. Ah, je savais qu'il allait être quelqu'un. Moi, je savais. Oh là là, le gars là, depuis le lycée, il faisait des grands tchatchs. Oh, il était toujours dans les grands milieux, mon frère. Il parlait des choses. Oh là là, il a fétiché. Or, deux fois, ce n'est pas le fétiche. C'est simplement quelqu'un qui rêvait du pouvoir. Et j'ai un exercice d'ailleurs que je recommande. Hein, cet exercice que je recommande dans ma technique que j'ai créé une petite école ici qu'on appelle PPT. Au Gabon, je me suis inspiré de ce que j'avais créé au Gabon quand j'étais à Gamba. Ceux qui sont des Gambas reconnaissent. À Gamba, j'avais créé cette même structure qu'on appelle les 3P. 3P veut dire pensée positive permanente. Et maintenant, en anglais, c'est PPT. Permanent Positive Thinking. I repeat, permanent positive thinking. Donc, quand vous passez, il y a des gens qui font ce genre de trucs. Ils répètent cela et je ne peux vous citer les noms de quelques-uns. Bill Gates a utilisé la même technique. Les grands hommes d'affaires ici aux États-Unis ont utilisé la même technique. Ils ne sont pas forcément allés voir un grand gourou mystique ou quoi que ce soit. Non, non, non, non, non, non. Comme je vous l'ai toujours enseigné, le pouvoir de votre subconscient. À force de répéter, à répéter ce qu'on appelle les techniques d'affirmation. Donc, I have power, I have power, j'ai le pouvoir. Et à la fin de l'enseignement, bien sûr, je vous donnerai l'exercice que vous pouvez faire tranquillement chez vous afin de comprendre le sens de ce qu'on dit. Désormais, vous devez changer votre langage. Je le dis, j'ai le pouvoir, vous direz, je suis le pouvoir. Mais commençons à finir d'abord avec la première expression de j'ai le pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir. Et comment vous l'avez? Mais c'est parce que à votre naissance, vos parents vous ont préparé le corps. Oui, cette expression, vous allez beaucoup l'entendre dans les milieux africains, pour mes frères blancs qui me suivent. OK? When you, some guys, they just brightening. They are, everywhere they go, you can feel that aura. They have a very strong aura, a sort of inimaginable, a sort of a very indescribable power. And you wonder how the hell he got the power. So that's what I'm trying to explain, that that power was his own family members, his parents prepared this young woman or this man to be a powerful person in a future or in a life to come. Donc, on prépare. Il y a des familles qu'on prépare. Les familles préparent leurs enfants. Je ne vous le cache pas, quand vous suivez ma biographie, j'ai été préparé personnellement par mes parents Kota. Après ma circoncision, nous avons fait certaines cérémonies. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a certains Africains qui passent par la même chose. Pour ceux qui sont religieux, allez-y lire l'histoire de Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, son père Tara, a fait la même chose. Monsieur Abraham l'a fait avec son fils Isaac. Isaac avait été préparé. Souvenez-vous de tous les rites qui se sont passés en dehors de la circoncision, en dehors le fait de l'amener pour vouloir le sacrifier, parce que les dieux lui demandent. Les dieux, j'insiste. Pour ceux qui sont religieux, je ne vais pas offenser votre compréhension. Parce que quand vous lisez bien la Bible originelle, pardonnez-moi, je ne parle pas généralement trop de la Bible, mais cela est très important parce que dans cette audience, il y a certains frères chrétiens ou musulmans qui sont intéressés à mes enseignements. Et souvent, je profite de ma petite expérience que j'ai passée là-bas en tant que pasteur, ancien pasteur, étudiant la Bible, témoin de Jéhovah et tout ça. Donc, bref, dans la Bible, effectivement, on vous dira que Monsieur Abraham faisait certains rites de préparation. Lorsque Isaac est né, eh bien, les écrits là nous disent que Monsieur Abraham a présenté Isaac aux ancêtres. Mais on nous dit qu'il présentera à Dieu. Donc, pour votre information, le mot Dieu en langue hébraïque et araméenne, c'est la même chose. On ne dit pas que vous voyez le mot Dieu avec grand D. En fait, c'est un camouflage. Ils ont fait un camouflage de la définition des dieux, les Elohim. En hébreu, langue originale, quand on dit et Dieu créa, en réalité, c'est les Elohim créèrent. Voilà pourquoi, dans certains langages très philosophiques et complexes, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas quand je dis que Tetamwangalam universel, qu'on ne nomme point, innommé et innommable, agit par pouvoir délégatoire. Et dans l'islam, le livre qu'on appelle Al-Marraj à Médine, là-dedans, on nous parle de 99 noms d'Allah. Donc, les noms des dieux diversifiés sous la forme des génies ou des djinns. Et dans la Kabbale, on nous parle des 72 génies ou archanges. Et ces 72, vous verrez, vous lisez la Bible, vous verrez que Monsieur Jacob, dans son songe, il dormait et il a rêvé des 72 anges qui défilaient, montaient, descendaient du ciel sur un escalier. Et l'escalier en question, ou cette échelle avait un certain nombre d'escaliers. Pardonnez-moi, c'était juste pour information. Donc, pour vous dire que Abraham, justement, il a fait des cérémonies. Et ces cérémonies, il s'agissait de présenter l'enfant au Dieu. Okay? Maintenant, donc, le mot Dieu dans la Bible, retenez que ça, c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Eloah. Mais les gens qui ont traduit la Bible n'ont pas tenu compte de ça. Donc, quand vous voyez Dieu, la vraie grande, c'est un peu la combinaison et l'ensemble de tous les dieux pour devenir Elohim, force exprimée de l'âme universelle. Parce que l'âme universelle, c'est la somme de toutes les âmes dispersées çà et là. Si vous lisez le récit de la création, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, l'homme fut créé et il devint la ressemblance de Dieu. Donc, toutes les âmes dispersées sur toute la terre sont des âmes dispersées de Dieu dans la compréhension métaphysique égyptienne et même initiatique ancienne dans la plupart des grandes sociétés secrètes. Mais c'est le grand mystère sur Dieu qu'on ne veut pas trop déballer, qu'on ne veut pas trop développer. Contentons-nous de dire que Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Arrêtons-nous là. Donc, le pouvoir se donna de manière cérémoniale. La Bible nous mentionne le cas de Monsieur Moïse. Le cas de Jésus est même mentionné. Ah oui. Il avait été présenté au rabbin. Il y a eu des rites qui ont été faits quand on présenta le Jésus des Chrétiens. Maintenant, nous, dans notre tradition, nous, quand un enfant naît, il y a d'ailleurs une maman là, bon, qui m'a demandé de baptiser son enfant. C'est déjà fait, j'ai trouvé, elle a trouvé un nom avec son mari. Vraiment, je suis émerveillé, elle était même trop contente. Et elle priait, elle dit vraiment, il faudrait que mon enfant vive. Mon Dieu, merci beaucoup, maître. Parce que le nom qu'on a trouvé, que j'ai vérifié, ce nom-là va amener un homme vraiment valeureux dans leur famille. Il sera militaire, un homme de pouvoir, de gouvernement et tout, et tout, et tout. Mais maintenant, après cette naissance, je lui ai dit qu'il faut également préparer cet enfant pour lui donner le pouvoir, afin qu'il ait le pouvoir. Donc, c'était ça. Le premier pouvoir, on dit quand j'ai un pouvoir. Mais comment expliquer? Il n'a aucune bague, il n'a aucun gris-gris, mais comment il fait? Mais parce qu'il a été préparé. C'est une vieille tradition. Ceux qui sont religieux, musulmans, chrétiens, vérifiez l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Vérifiez l'histoire de Jacob et ses 12 fils. Vérifiez l'histoire de Joseph avec ses enfants en Égypte. Vérifiez même l'histoire de Moussa, Aboua, donc celui qu'on appelle Moïse, Moussa, chez les musulmans. Il a fait la même chose avec ses enfants. Donc, c'est une tradition comme ça. On prépare nos enfants. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui dit j'ai le pouvoir, ça veut dire que, premier exemple, on lui a préparé. Maintenant, ne me demandez pas, oh, mais maintenant, on prépare quelqu'un comme moi. Non, il ne s'agit pas de préparer dans la marmite. Certes, il y a cette technique qui existe en Afrique du Sud où on vous met dans un fumoir. J'ai observé, j'ai été, et je sais comment ça se passe. Et cette technique même de mettre dans le fumoir, je l'ai vue auprès des peuples Ndamboa, dans l'Ogoué-Ivindo. J'ai bénéficié de cela. On m'a mis sur le fumoir, on a mis le feu en bois. Les parents qui... On ne prend pas n'importe qui. Il ne faut pas que les âmes sensibles soient là. On vous brûle! Mais vous êtes là, vous ne sentez rien. C'est une forme d'initiation. On prépare votre corps. Maintenant, je continue toujours à avoir le pouvoir dans les techniques du Bwiti Ndia et même dans le Bwiti Dzumba. Nous avons nos cérémonies à nous où nous pouvons donner le pouvoir à un nouveau-né qui deviendra quelqu'un dans la vie. Alors, tout le monde connaît, ce n'est pas un secret. On prépare le bébé. On découpe le bébé. La mère doit être courageuse, elle présente son bébé puisqu'elle accepte. Donc, on découpe ce bébé, la tête, les pieds, les machins, tout, tout, tout, devant vous, les yeux ouverts. Ça se passe vers entre 2 h du matin, 3 h du matin. Ça, c'est là maintenant où le grand pouvoir mystico-spirituel de Bwiti se manifeste. J'ai assisté, pas on a dit, j'ai vu. On prépare le bananier, on plante un bananier, le bananier la pousse, au bout de 2 h ou 3 h, le bananier pousse, il donne les bananiers. On prépare ça devant vous. On prépare le bébé devant vous. Après la cérémonie faite, eh bien, ils ont mangé, les initiés mangent ce bébé-là. Les os, on les amène devant vous. Les os du bébé, on les montre, les os sont là. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les véritables initiés savent de quoi je parle. Ça existe chez nous au Gabon. Ceux qui sont douteux, allez-y. Faites-vous initier. Rapprochez-vous auprès des grands. Au niveau du Gabon, c'est des pratiques qui existent. C'est comme ça que nous préparons nos enfants pour leur donner le pouvoir, afin qu'ils aient le pouvoir. Et cet enfant dira... Oh, mon frère, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai le pouvoir. Tu ne connais pas à là où je suis. Mais quand il le dit, mais vous allez vérifier, rien. Il est préparé parce qu'il a été préparé par ses parents. Donc, oui, on peut aussi préparer littéralement le corps de ce bébé-là. On le fait cuire, on le mange avec la banane qui a été plantée devant vous. Et à la fin des fins, quand la cérémonie est finie, c'est fini. Le bébé est là. Oh, on remet le bébé à la maman. Donc, ce bébé-là que vous voyez là, c'est fini. Il est préparé. C'est-à-dire qu'on lui a donné le pouvoir. Il a le pouvoir. Deuxième forme de pouvoir que l'on peut avoir, c'est qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous posez trop de questions. Et c'est ça la nature de l'homme. Il vit dans un questionnement permanent, à la recherche de la vérité. Cette vérité qui va révéler certaines vérités ou donner des réponses à ces questions. Et ces questions sont, pourquoi les autres sont plus heureux que moi? Pourquoi ma vie va de malheur en malheur? Pourquoi, à chaque fois que je veux faire ceci, c'est toujours moi qu'on crie, sur moi on crie? Pourquoi? Mais mon Dieu, on m'a dit que j'avais un grand-père qui était puissant, mais qui était-il? Quand vous partez dans ce questionnement permanent, maintenant la deuxième étape, puisque là vous êtes adulte, on ne vous a pas préparé votre corps quand vous étiez jeune, vous faites ce qu'on appelle l'initiation. OK? Chez nous en Afrique, ce qu'on appelle se faire initier, se faire initier veut dire on vous fait rentrer dans les écoles des mystères, des grandes connaissances, à la découverte de vous-même. Donc, la découverte de soi. Maintenant, on va vous faire initier dans certaines sociétés secrètes. Il y en a plusieurs. Nous avons l'Ondjobi, nous avons le Mouiri qui, au départ, c'est une initiation des jeunes. Mais maintenant, vous êtes adulte, on ne va pas vous amener dans l'histoire des Mouiri, mais c'est beaucoup plus réservé. Aux jeunes, pardonnez-moi. Maintenant, dans le Bwiti, on va vous initier. Parce que vous vous posez trop de questions. Hein? Trop de questions. Donc, quand vous partez vous initier là-bas, à votre retour de l'initiation, vous êtes allé prendre certaines informations. Donc, maintenant, pour vous, vous avez le pouvoir. Mais ce pouvoir-là n'est pas encore un pouvoir vraiment machin. Parce que il faut chaque fois aller vers le Bwiti, il faut chaque fois aller danser, il faut chaque fois manger le bois sacré. Pour que ce pouvoir-là demeure en vous. Mais vous avez un pouvoir. Ce pouvoir sommeille en vous. Mais il s'active à chaque fois que vous aurez des bouettées. Voilà pourquoi vous verrez que tous les bouettistes, toujours, tous les samedis, ils sont toujours en train de danser. Ils sont toujours là, en train de manger leur bois sacré, autour de l'essentiel, autour de l'axe central qui nous lie directement avec le cordon ombilical original, la loi ou l'énergie fondamentale. Donc, on va dire, banque, avec nos génies, qui a, le type qui agit, donc lui, avec pouvoir dérogatoire. Et c'est comme ça maintient ce pouvoir-là. Mais là, vous êtes toujours sur la phase de avoir le pouvoir. Bien, ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, oh là là, oh, c'est le temps maintenant, oh, je vais aller vite. Non, il y en a près de 10 phases, mais je vais abréger ça même avec trois. Maintenant, la troisième phase, c'est quoi? Ah, Maître Mou vient nous a parlé des bagues. Bon, ça, c'est au cours du séminaire, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de gens, je ne vous cache rien, qui ont eu besoin des béquilles. Donc, j'ai un ami parmi les 4 amis que j'ai, je vous ai toujours parlé d'eux. Il y a un qui est en Arabie Saoudite, un autre qui est au Nigeria, un autre qui est en Inde, l'un au Bénin. Et en France, je connais un monsieur et une femme qui fabriquent des talismans très puissants. Certains les fabriquent, il faut le sacrifice. Je ne vous cache, je ne vous l'ai jamais caché. Il faut du sang. Il faut forcément le sang, soit le sang des bêtes ou le sang des humains. Mais mon ami là qui est à Mulhouse, en France, lui, il fabrique une pierre. Il est auteur de ce qu'on appelle la gemme Atzel. Ça, vous pouvez aller vérifier, vous retrouverez son nom. Il est le seul en France, en tout cas, à le faire. Une pierre qui coûte très cher. J'ai donné des références à certaines personnes. Je tiens à vous remercier. Ils sont venus vers moi et m'ont dit, ah, oh, maître, merci, j'ai pu avoir ma bague. Mais vraiment, ça coûte cher, mais je sens l'effet. C'est une pierre électromagnétique qui magnétise, qui nettoie votre corps. Toutes les ondes négatives s'en vont, les malchances s'en vont et tout, et tout, et tout. Souvent, les prix varient entre 900, entre 700 euros jusqu'à 5 000 euros. Hein? Donc, ça, c'est une forme pour vous d'avoir le pouvoir. Vous pouvez donc avoir le pouvoir sous couvert de l'article ou des chaînettes qu'on vous envoie, des bagues qu'on vous envoie, parce que ces bagues-là ont été chargées selon des pouvoirs, selon des techniques talismaniques que vous ne maîtrisez pas, mais seul l'opérateur, dans sa grande école, dans son grand temple, fait ce qu'il y a lieu de faire pour vous plaire. Voilà pourquoi il vous demande votre date de naissance. Il vous demande votre nom, tout, tout, tout, pour faire ces travaux-là et vous permettre d'être content pour le reste de votre vie. Donc, ça, c'est la troisième phase d'avoir le pouvoir. Bien. Là, nous parlons toujours du verbe avoir. Vous avez votre pouvoir par l'initiation. Vous avez votre pouvoir par la préparation depuis la naissance. Vous avez votre pouvoir par l'acquisition de certains articles. Ah, mon frère, moi, je vois que Mamadou l'a brillé beaucoup, mais moi, j'aimerais être comme lui. Mais moi, je vois que monsieur Moupala, là, le type, là, vraiment. J'ai entendu là, on l'a encore nommé. Oh mon Dieu, il est parti de directeur général, il est maintenant inspecteur général. Oh, et là, j'ai appris que les murs, les rumeurs circulent qu'il va être nommé ministre. Donc, quand vous voyez l'ascension immédiate comme ça, c'est que cette personne-là a ce qu'on appelle le pouvoir. Et il peut avoir ce pouvoir sous la forme des trois. Soit depuis la naissance, c'est quelqu'un qui a été préparé. Comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, me contactent, disent, mais vraiment, monsieur Moret, nous, on veut vraiment préparer notre enfant pour devenir quelqu'un. Et puis, je le fais. Il y a des frais pour cela. Et l'autre forme, c'est les commandes des articles. Et je vous ai dit, je ne le cache pas, en France, beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas sous les forums, ils ont profité, comme je diffuse comme ça là. J'ai donné le nom. Oh, le type m'appelle et me dit, oh, mais monsieur, on oublie vraiment, je vais vous donner un bonus. Parce que là, j'ai fait un chiffre d'affaires de près de 55 000 euros en un mois. Je dis comment? 55 000 euros. Oh! Je dis oui, non, rassurez-vous, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Mais parce que j'ai fait la publicité comme ça, je parlais, les gens suivaient sur vidéo. Il y a des gens qui ont commandé ça depuis la Côte d'Ivoire, partout, partout, partout, parce qu'ils étaient contents du fait que ces articles-là, on ne demande pas de sacrifice. On ne demande pas, oh non, on va prendre un mouton, ceci. Non, vous portez ça sur vous, c'est tout. Il n'y a pas de consigne qu'on s'est interdit oh, de se torcher la fesse, pardonnez-moi, de nettoyer la fesse avec ça, ou bien toucher les machins d'une femme. Non, ce n'est pas interdit. Par contre, ceux qui sont en Inde, en Arabie Saoudite, oui, j'en parle, il y a un enseignement. Je vous ai même parlé de l'enseignement des 5 éléments qu'on exige pour pouvoir être. Avoir le pouvoir et être en communion avec les génies. Bref, je vais laisser donc ce côté avoir le pouvoir. Vous avez compris comment on fait pour avoir le pouvoir. Maintenant, la partie être le pouvoir. Quand on vous dit je suis le pouvoir, là, c'est un autre niveau. Comment on devient le pouvoir? On devient le pouvoir, c'est lorsque, après avoir été préparé, et là, le devenir ou l'être, le verbe être un pouvoir, to be now, to be the power. I'm sorry, I didn't, the whole time I was speaking in French. I was explaining the three steps how you can get the power. First of all, you have the power through the preparation from the younger age. Means your parents, they know some techniques how they can prepare your body, they can prepare your soul to allow you to be the light. No matter where you're going, they're going to do it for you. And those are very specific, rich rituals, even Abraham in the Bible, he did the same thing for Isaac. Jacob did the same thing for his 12 kids. Whoever, Joseph, when he was in Egypt, he did for the kids. Moses did the same thing. So that's how they do it, to have the power. Three ways. They prepare your body since the younger age or the baby age. And then secondly, you can also have the power when you get your initiations. Initiation means you have to go to our tribal traditional society when they're going to put you face to face to your life, face to face in a connection with your ancestors. There's nothing wrong with it. It's got nothing to do with the religion. Even here in the US, in Europe, the white people, they do the same thing. You know what I'm saying? Irish people do the same thing. So they will connect with their ancestors. And through that initiation, they give you the power. So it means you have the power. And the third and the last step, I promised to have 10, unfortunately, because of the time. The last step, how you can have power, is through some magical items. Those magical items, all these I have on me, yes, they're all magical. They're all symbols of some people, some groups or associations I belong to. About those different rings you see on me, they have connection with certain spirits. So that's the third way. They can then, you can ask some people, like I know somebody in France, or I know so many, there are four of them in India and Saudi Arabia, in Benin, in Nigeria, and in France, I know some, a couple of them, they can actually, they call it talismans. So the talisman is an item which is, of course, under the control of the operator. The operator is the man who's initiated. He knows how to contact all these spirits. He knows how to contact. You may call it witchcraft. I don't care. But he get in touch with those spirits, bad or evil or good or whatever it is, good or bad, evil. So he have to call them through something we call talismanic techniques. So those talismanic techniques consist of the operator to call upon those spirits, and then according to your date of birth and all that, so you will do some rites or rituals. And that's how the third step, you can have the power. Means somebody will tell you, hey, look, I think I need to give you some. This is the ring I'm going to send to you. Or this is whatever, you know, I'm going to send it to you. Those are, you know, different magical items. They can give it to you. And those items here, they have power. You know what I'm saying? So that's the third way. Now, we go on to the second way of getting becoming the power, or what we call I am the power. There is a difference between I have the power, because the power was transferred or was given to you by either your parents, either your masters or spiritual master, whoever, by going through the initiation, so through our traditional rites and different things, like in the Masonic society as well. You have different 33 degrees from the apprentice to the master level, and you got to follow up the steps, and all that. So now we're going to explain to be the power. Maintenant, être le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, être le pouvoir? Être le pouvoir, donc, disais-je, c'est le niveau où vous avez été préparé. Et cette partie-là ne s'adresse uniquement qu'à ceux qui sont déjà branchés sur la voie spirituelle. Celui qui est déjà branché sur la voie spirituelle a un certain niveau où, après plusieurs incarnations conscientes, il est devenu le pouvoir. Il n'a plus rien à voir avec Dieu. Voyez, souvenez-vous de la question que je vous ai posée. Et Dieu dans tout ça? Dans la première partie d'avoir le pouvoir, Dieu est présent. Les génies sont présents. Les dieux sont présents. Voyez-vous? Mais dans la deuxième partie où vous devenez le pouvoir, vous êtes le pouvoir, Dieu n'a plus rien à voir avec vous parce que Dieu s'est effacé de votre existentialité parce que vous êtes l'expression même vivante. Vous êtes l'expression des têtes. Vous êtes donc devenu ce qu'on appelle, vous exprimez l'être-té divine. Vous devenez donc l'être divinisé. Vous devenez donc Dieu incarné. Vous devenez donc l'individualité universelle manifeste. Parce que vous êtes devenu la connaissance. Now, I'm going to explain to you in English to explain my folks watching me from Saudi Arabia. Now, there's a huge difference here. When you become the power, it's a different phenomenon happening in your life. What that means at first, this kind of step, on this type of step where you become or you are the power, it's not for what we call the mortal common people, means commun des mortels, or any individual who got no knowledge or basics knowledge on the real secrets of life. This is only for people who already got the power. And when you have the power, you want to become that power, because you are following that power. Because the power is kind of sometimes going away and coming back, going away, coming back. When the power is going away, you just been on your knees. Hey, spirits, come back. Come over here. And you have to invoke and convoke those spirits. Donc, je m'explique ici en français, c'est que quand vous avez le pouvoir, ce pouvoir aura tendance de partir. J'ai donné l'exemple sur le cas du bouité. Moi, je suis ici, est-ce que je danse encore le bouité? Est-ce que je bouge les fesses? Est-ce que je vais ouvrir le bouité? Non! Donc, ça veut dire que le pouvoir que j'ai reçu du bouité ne peut pas être activé. Mais maintenant, puisque je suis le pouvoir, et je suis fier de vous dire que moi, je suis le pouvoir, tous les enseignements que moi je vais vous donner ici, c'est en fonction de vos niveaux. Mm-hmm. C'est en fonction de vos niveaux. Moi, je n'ai pas, logiquement, je n'ai pas besoin de toutes ces histoires-là. J'ai perdu, il y a à peine 3 mois, une bague qui m'avait coûté l'équivalent de combien? 4 millions de francs CFA, s'il vous plaît. C'est une bague que j'avais reçue de mes maîtres de l'Inde. Cette bague s'appelle la bague aux 1000 pouvoirs. Cette bague, je l'ai perdue. En or, bien sûr. 7 000 $, 7 800 $ exactement, soit 8 000 €. Je l'ai perdue. Et est-ce que je vais paniquer? Non. Parce que quand vous paniquez, le pouvoir sort de vous. Oh my gosh, I lost my ring, oh Lord, oh gosh. Et vous paniquez, vous sentez immédiatement une sortie du pouvoir en vous. Vous ne l'avez pas remarqué? Vous perdez quelque chose qui vous était très précieux. Après, vous sentez, vous pouvez m'avoir un arrêt cardiaque. Oh mon Dieu, je vais retrouver ça où? Ça panique, pourquoi? Mais parce que vous aviez un pouvoir qui n'était pas le vôtre. Ce pouvoir vous a été donné. Mais arrêtez, vous n'êtes pas ce pouvoir. Donc, le pouvoir est sorti de vous à travers la bague qu'on vous a donnée. Voilà pourquoi, moi, je dis, je suis le pouvoir. Quand vous voyez porter ces choses, c'est parce que j'ai des frères initiés dans les mêmes loges, dans les mêmes milieux que moi, pour leur dire, je suis là, veuillez me suivre, ou quelque chose comme ça, ou m'identifier à certains génies que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Mais sinon, ces choses, je n'en ai pas besoin. Je n'ai plus besoin de crier mon grand-père ou ma grand-mère en faisant des rites. Oh, Nubia, oh, Akaka, Sanjia, faire tout ceci, cela. Je pense seulement à eux et ils sont là. Je prononce seulement Sanjia, mes boutons. Elle sera là. Apoutoutoua, Doumor. Il est là déjà. Et je sens la chair de poule, il est déjà présent. Ramba, Mouamini, Yoko. Ramba, Akaka. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à ma volonté à cause du pouvoir que j'avais au départ, mais j'ai maîtrisé ce pouvoir à travers certaines privations, à travers une grande discipline de ma vie, à travers beaucoup d'épreuves que j'ai traversées avec succès. J'ai traversé les 7 montagnes, et ces 7 montagnes, j'ai rencontré des divers monstres, lesquels monstres ont risqué ma vie. J'ai failli perdre ma vie et j'ai invoqué beaucoup d'esprits qui m'ont giflé, qui m'ont bousculé. Je n'oublierai jamais l'archange ou le génie numéro 69 qui m'a giflé et dont j'ai été inconscient pendant des heures. Nulle était une femme. Et voilà pourquoi je commence à vous dévoiler le secret, le pouvoir de la femme. C'est le sujet que nous allons parler tout à l'heure, avant que je ne conclue sur cet enseignement-ci. Donc, je suis le pouvoir. Comment vous êtes le pouvoir? Je l'ai répété déjà. Vous êtes le pouvoir parce que vous avez déjà le pouvoir au départ. Maintenant, comme vous avez ce pouvoir au départ, c'est le pouvoir que vous venez de l'aide de Dieu. Pardonnez-moi, il fait chaud, le climat là, vraiment, il est tombé, galboigné. Oh, j'ai demandé le gars de la maintenance de venir, mais il n'y a pas moyen. Comment ça? C'est pas possible. Maintenant, là, je commence à transpirer. C'est quoi ce bordel? Pardonnez-moi. Alors, donc, disais-je, vous devenez le pouvoir. Mais ce pouvoir que vous êtes devenu le pouvoir, parce que vous aviez un pouvoir en vous. Mais c'est parce qu'au départ, le fait d'avoir les bagues, je voulais vous mettre en genoux. Kindo Katumananda, Kindo Katikumananda, oh, esprit des Indes qui vient du lac Nganga, viens ici. Je ne veux pas venir, monsieur Nouvier. Vous êtes un bordélique. On vous a dit de ne pas toucher les femmes et vous avez touché les femmes. Non, je ne viendrai pas, non. Voyez? Parce que quand vous avez le pouvoir, il y a des recommandations, il y a des instructions qu'on vous donne. Et ces instructions vous rendent esclaves de l'égrégore de la loge ou de l'égrégore, justement, de la confrérie. Mais par contre, quand vous êtes le pouvoir est en vous. Et ce pouvoir est devenu vous. Ça veut dire que la connaissance vous a transcendé. Et comment la transcendance, elle est manifeste? Tout simple. Vous vous êtes initié, on vous a donné le pouvoir. Mais une fois que vous avez ce pouvoir, C'est l'objectif de la création de Tetan Webembe, de nos forums sous le Baobab, de la création de cette chaîne de Tetan Zambé, le tout-puissant Kana, en vue de transmettre les pouvoirs de quoi? De connaissances sur quoi? Sur l'éveil de votre conscience. Voilà. Donc, on devient la connaissance, c'est lorsqu'on commence à s'entraîner à éveiller sa conscience. Mais l'éveil de sa conscience, ce n'est pas une affaire, on va te dire, prends la bague, et puis c'est tout. Non! Ça passe par un travail assez strict, un travail de discipline. Ça passe par des assises. Ces assises initiatiques, c'est quoi? Ce sont des règles et des commandements que vous devez observer. Si on vous dit que lorsque vous allez vous mettre en érection, parlant de cette montagne ou de cette chambre secrète de la grande cabale qui sont dirigées par la triade supérieure qu'on a parlé la dernière fois sur la cabale, c'est-à-dire les 10 réservoirs d'énergie de Sephiroth, en vous, nous retrouvons les mêmes, il y en a 7. Et dans le yoga que je pratique, Pranayama Yoga, on nous dit, pour faire monter Kundalini, le serpent de feu, il faut passer justement par sept centres énergétiques. Et ces sept centres, ces sept centres énergétiques, on les appelle les chakras. Mais pour que ces chakras-là se réveillent au fur et à mesure que le serpent monte, au fur et à mesure, disent les Chinois, dans le Tao et dans le Shintoïsme que j'ai appris, et dans le bouddhisme, le dragon, quand il se réveille, vous pensez qu'il se réveille facilement comme ça, n'importe comment? Mais il va vous bousculer. Le dragon, pour monter les sept montagnes, il doit tout casser au passage. Les cailloux qui tombent, et des orages qui tombent, et des maladies qui vous attrapent, et même des crises de folie. Ah oui, oui, oui, moi j'ai effleuré, j'ai failli être fou. Nulle était ma mère qui m'a fermé la tête, chose que je n'ai jamais dite. Parce que ce sont les conséquences du cheminement lorsqu'on veut devenir le pouvoir. Il y a des conséquences. Et quand vous devenez le pouvoir, c'est lorsque vous avez traversé toutes ces épreuves, vous avez traversé tous ces ponts, vous avez traversé tous ces obstacles de la vie à travers les assises initiatiques. Quand je parle des assises initiatiques, c'est quoi? Ce sont les privations. Il faut vous priver. Quand je vous dis qu'il faut vous taire pendant au moins 1 à 3 jours par semaine, il faut me laisser le téléphone tranquille parce que le téléphone est un élément consommateur. Ce machin-là, ça consomme vos énergies et ça diminue vos pouvoirs. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez le pouvoir. Vous êtes là, vous somnolez. Vous êtes obligé de rentrer dans des trances pour que quelqu'un vienne parler. Mais quand vous avez le pouvoir, c'est-à-dire quand vous êtes le pouvoir, ça va vous bousculer un moment. Mais vous êtes debout. Dites, oh, j'écoute, je suis là. Et alors, le message tranquillement passe et vous transmettez. Et comme le dirait l'apôtre Paul pour ceux qui sont chrétiens, parler en langue est une folie. Pourquoi vous aurez aimé parler et prier en langue alors que vous parlez dans une langue bizarre et aujourd'hui tout le monde parle français? C'est une distraction. Le parler en langue est un langage entre vous et le divin, rien que vous. Et si vous êtes capable donc d'interpréter cela pour la communauté et de toute l'église, mais ce sera bon que de nous parler du charia. C'est la même chose. Lorsque vous êtes le pouvoir et que les génies se manifestent en vous, vous n'allez plus parler du charia. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans une crise de trance. Certes, c'est une manifestation manifeste des esprits de l'au-delà, des génies qui veulent dire quelque chose à l'environnement direct. Maintenant, là, vous avez le pouvoir. Il faut forcément un intermédiaire. Il faut un médium comme Vandaléon ou bien Moiréon ou bien qui va venir dire « Oh, Amama Ramba, mon type parle maintenant, je vais transmettre. Oh, pardon. L'esprit dit que toi, Amadema Nyanya, là, toi, Magnania, tu es un bandit. Il n'aime pas la vie que tu mènes là. Tu as mille et une copines. Maintenant, là, elle est jalouse. Oh, voilà, l'esprit a parlé. Non, vous n'aurez plus besoin de ça. Là, vous avez besoin de ça parce que vous avez le pouvoir. Mais quand vous devenez le pouvoir, maintenant que vous êtes devenu ce pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir vous a transcendé. Moi, je vous le répète. À un niveau, quand je parle avec d'autres personnes de haut niveau, Dieu n'existe plus. Alors mes frères, nous biatani. Non, pourquoi Dieu n'existe plus? Mais c'est parce que j'ai compris qui il est. Mais parce que je suis une partie de lui. Mais parce qu'il s'est exprimé à travers moi. Mais parce que je suis l'expression vivante de Tetan Webembe. Je suis l'une des âmes dispersées qui forment dans toute la totalité du nombre de disques que je vous ai expliqué la dernière fois. Un dans le zéro veut dire l'unité dans le multiple. Je fais partie de cette multiplicité. Je fais partie de l'existentialité de Tetan Webembe. Je fais partie de l'âme universelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le nombre 8. Voilà les grands mystères qu'on vous apprend à la numérologie. Donc, quelle est la différence pour conclure? Avoir le pouvoir, c'est limiter dans l'espace et le temps. Pourquoi? Parce qu'on vous prépare. Et vous n'êtes pas détenteur de ce pouvoir. Et ce pouvoir peut vous être arraché à tout moment. On peut vous arracher ce pouvoir. Le maître peut décider. Je vous ai parlé de ma bague en or. Mon Dieu! Mais si je me contentais seulement sur le fait d'avoir le pouvoir, mais j'allais être tout malheureux. Oh, j'ai dépassé 8 000 euros. Mais rien, aucune manifestation. J'ai compris pourquoi la bague a disparu. Je les ai appelés, ils me disent, oui, la bague est revenue ici, là. La bague, bon, les génies ont dit qu'ils n'ont plus besoin de toi. Prenez-moi comme un fou, comme vous voulez. Parce que ces bagues ont des pouvoirs bien déterminés. Les talismans qu'on vous envoie, l'initiation que vous avez reçue. Vous êtes allé manger le bois sacré au Gabon. Est-ce que pendant que vous êtes en Europe, est-ce que vous dansez le bouéké? Est-ce que vous activez votre bouti? Est-ce que vous parlez à votre bouti? Mais rien. Et vous êtes là bloqué. Donc, votre pouvoir est limité. Mais par contre, lorsque vous êtes le pouvoir, lorsque vous êtes le pouvoir, tout ceci peut partir. J'ai plus besoin. Ça peut partir. Je n'ai pas besoin. Nu, je suis né dans le ventre de ma mère et nu, je retournerai dans le ventre de la terre, de la mère nature. Je répète, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, je retournerai dans le ventre de la mère nature parce que c'est à travers elle qu'il y a un transfert de mon existentialité, au-dessus duquel il y a le Père céleste qui n'est autre que l'âme universelle, exprimée à travers le pouvoir délégatoire. Et ce pouvoir délégatoire est un cycle qui passe à travers les génies. Les génies, les êtres les plus avancés, les maîtres invisibles et les âmes incarnées de certains initiés comme votre précepteur qui vient vous parler, qui n'ont peur ni de la mort. Peur ni de qui que ce soit. Alors, là, vous êtes le pouvoir. J'étais victime de beaucoup d'attaques, je ne fais que vous le répéter. J'ai gardé le même poids depuis combien d'années, Dieu seul sait. Je ne peux pas grossir. Je suis obligé de vivre dans le jeûne, de vivre dans des méditations. Alors, vous êtes le pouvoir parce que dans votre méditation, vous exprimez votre être-été et votre complicité d'avec l'autre. Mais l'autre devenant vous et vous êtes l'autre. Alors, j'ai monté une prière au cours du séminaire l'année dernière. Tu es en moi et je suis en toi. Tu es en moi et je suis en toi. Oh, pourquoi vais-je aller te chercher ailleurs? Oh, Seigneur, Agnabia Yagahounou. Non! Parce que tu es ici et maintenant. Je t'ai retrouvé. Pour conclure, comme je vous ai promis, le pouvoir artificiel. Le pouvoir artificiel, c'est un pouvoir sans conscience. Et c'est ce pouvoir, malheureusement, que beaucoup de gens détiennent. Les hommes riches. Est-ce qu'il est interdit d'être riche? Non. Je peux être riche, mais ces richesses n'ont aucune priorité dans ma vie. Au contraire, je dois utiliser cette richesse pour donner à ceux qui sont dans le manque. Voilà pourquoi vous verrez des gens comme les Bill Gates. Bon, ce n'est pas un bon exemple, malheureusement, ce type-là, parce que je découvre toutes les conneries qu'il fait. Mais il fait quand même des bonnes choses. Il cache le mal en faisant le bien. Donc, il partage ses milliards en créant de ce qu'on appelle des ONG, en créant des fraternités. Charity. Il crée des charités. Donc, quand vous êtes riche, oui, ce n'est pas interdit. Mais moi, je dis, non, je ne veux pas être riche. Tout ce que je fais, mes livres qui vont sortir, ou quoi que ce soit que je vais faire, les histoires des Baobab et tous ces machins-là. Je sais qui je désignerai qui peut continuer avec. Même si la personne peut devenir milliardaire, je m'en fous. Les milliards, l'argent ne m'intéresse point. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent, les perles que vous avez en vous. Ce sont ces perles dont j'ai besoin. Vous avez besoin de voyager au pays de la richesse spirituelle. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous serez ajouté. Des paroles que les chrétiens récitent bêtement. C'est notre maître, c'est notre Dieu et notre prince, c'est notre roi appelé Horus qui l'avait dit. Et ça a été trafiqué pour dire que c'est Jésus qui a dit. Tant mieux, même si c'est Jésus. Mais est-ce que les gens méditent sur ça? Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné naturellement. Imaginez-vous, je vais voyager en France. Est-ce que je me tracasserai pour le billet? Je vais voyager en France. Est-ce que j'ai besoin qu'on me paye à manger? Parce que tout cela est déjà pris en considération. Je viens vous donner les perles que vous avez perdues. Vous avez fait un long voyage, mais vous avez oublié ces perles. Et je vous les amène. Les perles de la connaissance, je vous ai dit, cherchez-moi ce livre. Je ne sais plus s'il existe. Je l'ai lu en 1975. Un livre, oh là là, les perles de la connaissance. Une fois, vous êtes en possession de ces perles de la connaissance, d'une manière générale, je parle, alors vous devenez la connaissance. Donc, les connaissances, le pouvoir plutôt, vous devenez le pouvoir. Donc, le pouvoir artificiel, c'est un pouvoir sans conscience. Un pouvoir sans conscience est un pouvoir que vous recevez à travers l'influence, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir ceci, cela, parce que vous êtes quelqu'un dans la société. Le pouvoir parce que vous avez reçu des grandes médailles, vous avez reçu des talismans, des grandes maisons initiatiques, mystico du monde. Ils vous ont donné tout pouvoir après avoir sacrifié 55 femmes et 55 hommes. C'est bien beau, vous allez briller, mais pour combien de temps? Et votre âme, elle est vendue au diable. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir artificiel. Chers frères et hommes politiques et femmes politiques, ne m'en voulez pas, puisque j'en fais partie de ceux-là qui défendent les intérêts du peuple. Lorsque vous avez un pouvoir artificiel, ce n'est pas bon. Avoir le pouvoir, ce n'est pas mauvais. Mais faites attention à quel genre de pouvoir on vous donne. Être le pouvoir, mais c'est mieux. Parce que vous êtes Dieu. J'en ai terminé. Maintenant, avez-vous des questions? Avez-vous des questions pour qu'on passe au deuxième sujet? Je vais vous donner une pause de 10 minutes. Là, je vais partager les connaissances avec une maman qui va vous parler du pouvoir de la femme. La femme que les hommes négligent. Thank you. Maman Poussi, merci beaucoup. Oh. Elle est même en train de nous suivre là-bas à Libreville. Elle voit, elle va pas gentil. Ah, parce qu'au moins avec Maman Poussi, là, il n'y a pas les gens de YouTube qui viennent me dire, oh non, les droits d'auteur, comme c'est un de nos frères. Et pourtant, moi, je pensais que la musique, là, c'est à la portée de tout le monde. Mais ah, les histoires des droits d'auteur, là, vraiment, c'est compliqué. Donc, voilà, je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné 12, pardonnez-moi, il fait chaud, là. Même le chapeau, là, un peu, il faut mettre de côté. Maintenant. Première question. Dans l'expression, je vous dis originalement, c'était l'expression de Horus, celui qui avait dit ça. Mais les gens ont dit, ils ont attribué ça à Jésus. Bon, ça va, laissons ça comme ça. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Alors le reste vous sera ajouté. Vous me posez la question de quel royaume et de quelle justice il s'agit. C'est simple. Quand on dit de chercher d'abord le royaume, la dernière fois, vous n'avez pas suivi l'enseignement que j'ai donné ici, là, sur la Kabbale. Le royaume, c'est Malkout. Malkout, c'est quoi? C'est la manifestation manifeste de l'esprit qui vient depuis la triade supérieure que nous appelons Dieu. Maintenant, chercher d'abord ce royaume, c'est chercher d'abord à développer les qualités divines. C'est chercher à se connecter avec notre originalité. C'est chercher d'abord à se faire initier. Donc, c'est-à-dire se chercher. Il faut d'abord se chercher soi-même. Pas aller chercher qui est Dieu ou je ne sais pas où là. Maintenant, le royaume, chercher d'abord le royaume, c'est ça. Ce royaume symbolise la planète Terre. Donc, ici-bas sur Terre, vous devez donc à développer les grandes qualités qui permettent à l'homme de vivre en harmonie avec l'autre. Et je vous ai cité ces quatre grandes qualités. Et lesquelles quatre grandes qualités se retrouvent même dans les quatre grandes consonnes de tétragrammaton, on appelle ça, qui définissent le nom de Dieu. Donc, YHWH. Yoreouba. Donc, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Donc, ces quatre grandes qualités, ça n'est qu'un exemple. Chercher d'abord le royaume de Dieu veut dire chercher à développer d'abord les qualités de Dieu dans votre vie. D'accord? Sa justice, c'est normal. Vous ne pouvez pas être un bon initié et vous continuer à faire des bésodromes dans vos temples d'initiation. Vous ne pouvez pas être un initié et vous tripoter les fesses des femmes. Vous ne pouvez pas être un initié et vous allez emmerder les pauvres hommes mariés à gauche, à droite. Non. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Chercher sa justice. C'est-à-dire être juste dans sa vie. Pratiquer tout ce qui est juste afin d'éclore et que cette lumière grandisse. Et c'est ainsi votre luminosité spirituelle, métaphysique, va se connecter avec la grande lumière divine. Il y a beaucoup à dire, mais à cause du temps. L'autre question. Comment charger votre bague là? Maman m'a posé la question. Moi, j'ai une bague turquoise. Comment la charger? Moi, je ne sais pas. Vous l'avez commandée auprès de qui? Je vous informe que seules les bagues magiques qui subissent des charges. Où est-ce que ma bague là-même? Voilà. Pour répondre maintenant à la question qui m'a la question, la personne qui m'a posé la question, mais comment faire pour entrer en contact avec le français là? Voilà. Cette bague a été chargée. Cette bague, elle est faite à base de la pierre qu'on appelle la gemme Atzel. Pour celui qui me pose la question numéro 10, comment faire pour entrer en contact avec le français qui fabrique ces pierres? Et là, une fois de plus, n'allez pas me décevoir. Je ne donne l'accès qu'aux gens qui sont sérieux, qui suivent mes enseignements, qui sont disciplinés, et je donne ce genre de réseau. Parce que, rassurez-vous, ce monsieur, c'est une affaire qui date de plus de 300, 400 ans. C'est de famille en famille, de génération en génération. Il me donne la confiance parce que je lui ai toujours référé des personnes sérieuses. Donc, vous qui me posez la question, vous pouvez me contacter après en privé, je vous donnerai les conditions. D'accord? Parce que moi, quand je dis les gens, êtes-vous prêts? Ils me disent, oui, je suis prêt. Maintenant, quand le type va te dire, non, la facture, c'est 4 000 euros. Oh, maître, moi, je ne savais pas. Oh. Non, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous informe que celle-ci que j'ai avec moi là, ça a un symbole assez particulier dessus. Ça m'a fait 2 800 euros. Oui. Et là, ce n'est pas en or. Celle qui est en or, elle est là. Celle-là, elle m'a fait près de 4 000 et quelques euros. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut prévoir beaucoup d'argent. Parce que c'est une pierre qui est travaillée. C'est une pierre que la mère nature, Jetta Mwanga, a travaillée comme ça. On la trouve seulement en France. Bien, bref. Donc, charger sa pierre turquoise, pardonnez-moi. Seule en magie, si c'est une pierre magique, ça a été déjà chargé une fois pour toutes. Elle ne se décharge pas n'importe comment. Sauf certaines maisons, telles que le grand temple de haute magie et sorcellerie et de protection, dont je suis membre et j'étais représentant officiel pendant 19 ans. Ça se trouve à Mumbai, en Inde. Les articles que eux, ils vous envoient, ils vous donnent des restrictions. Tu n'as pas le droit de mettre la fesse ou la bague là-bas. Tu n'as pas le droit d'avoir cette bague quand tu fais l'amour. Tu n'as pas le droit de laver les mains avec le savon quand tu as cette bague. Il y a beaucoup trop, trop, trop de complications. Donc ça, si vous avez ce genre de bague-là, oui, ça peut se recharger. Vous êtes obligé de l'enlever, mettre sous pli, courrier DHL et envoyer chez la personne. Mais si c'est une bague simple que vous avez achetée chez le bijoutier, vous me demandez comment la charger. Je vais vous donner la technique traditionnelle. Avant de dormir, tous ceux qui ont des objets tels que, je ne vous cache pas, non? Voilà. Cet article, si vous verrez, ça coûte près de 3 000-4 000 euros. La même maison, là, ils vendent ça. Ce sont les 12 dieux planétaires qui influencent votre vie. Celle-là, avec la bague, Je mets ça dans du lait. Ce n'est pas ce monsieur qui me l'a dit. Lui, il n'est qu'un commerçant. Mais je le sais parce que je suis un initié. Et je fabrique les talismans. Je vous ai dit, j'ai un diplôme. La talismanie pratique depuis les hautes maisons cérémoniales de l'Inde. J'ai reçu ce diplôme. En 1993, il est là. Je l'ai exhibé là-bas quand je fais mon truc, ma présentation sur ma biographie. Donc, les maîtres m'ont dit, et c'est la tradition que j'utilise jusqu'aujourd'hui, si vous voulez recharger votre bague, prenez du lait, que ce soit lait de vache. Si votre article vient de l'Inde, ne mettez pas le lait de vache, parce qu'eux, ils ne mangent pas les vaches. Mais si c'est un article qui est fabriqué en France ou quoi, prenez le lait de vache. Si c'est un article que vous avez acheté auprès d'un bijoutier indien, prenez le lait de riz ou le lait des amandes. Et vous prenez votre bague et la chaînette ou quoi, vous mettez dans ce lait et vous le mettez au chevet de votre lit, à côté, à l'endroit même, à un mètre de votre tête. Et ça dort là. Et ne faites pas l'amour durant ce jour-là, cette nuit-là. C'est comme ça qu'on charge sa bague ou bien son article magique. Je continue. Si vous n'êtes pas initié, est-ce que vous pouvez préparer votre enfant? Vous m'avez bien suivi dans l'enseignement. Est-ce que j'ai dit ça? De ma chaîne dans l'enseignement, je vous ai dit quoi? Même Abraham était un initié. Il a subi ça de son grand-père, du papa de Tara. Il a subi ça de Tara, le père. OK? Et Isaac a fait la même chose à Jacob, avec les deux enfants, sauf Esaü, là, qui a déconné, qui a fait des conneries, n'importe comment. Mais il a fait ça à Isaac. Isaac a fait ça à Jacob. Jacob a fait ça aussi à ses 12 fils. Et parmi les 12 fils, c'est Joseph qui avait gardé le thème, le rite intégral. Donc, pour répondre à votre question, si vous n'êtes pas initié, ah non, non, non, non, non, vous allez préparer l'enfant là comment? Ça va commencer comment? Vous allez commencer par dire quoi? Initié ne veut pas dire forcément avoir mangé le bois sacré. Initié veut dire, quand vous suivez mes enseignements ici, vous appliquez ce que je vous dis. Je vous dis que ce que je dis, c'est la vérité mystico-spirituelle. Donc, vous faites le rite des ancêtres, machin, comment communier avec vos ancêtres, une fois que vous maîtrisez ça, bon, si vous ne connaissez pas, ne prenez pas le risque, contactez quelqu'un de sa lignée. Vous ne pouvez pas moi me contacter. Moi, Moréon Mouvier, je suis à Ralikewan à Momba, à Ralikewan à Rengé. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas dans ma lignée. Donc, forcément, il faut trouver quelqu'un au sein de votre famille, okay, de votre lignée, un oncle, un machin, quelqu'un qui a un bon cœur pour pouvoir confier votre enfant et lui donner pour faire le travail. Mais si vous venez me voir, je vais le faire avec un bon cœur. Mais, je ne sais pas, hein, après demain, vous ne vous plaignez pas que l'enfant, là, vraiment, ce n'était pas bon, ce n'était pas ça. Entre-temps, vous-même, vous fumez le chanvre derrière la maison là-bas en France. Et l'enfant va se mettre à fumer le champ, vous direz que moi, monsieur, moi, ou bien, je donnais la malédiction à votre enfant. Non, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Peut-on recevoir son pouvoir par le tonnerre? La réponse est oui et non. Là, je vais commencer par oui. Moi, j'ai, je ne vais pas vous montrer ça, c'est interdit. J'ai la pierre et j'ai l'arbre que le tonnerre avait frappé. Tout initié doit avoir ça. J'avais eu ça au Bénin. Au Gabon aussi. Ils connaissent ça. Là où le tonnerre vient frapper, il casse. Donc là où il passe, la poudrière, là où il passe, là, il y a un caillou. Et ce caillou-là, ce n'est pas n'importe qui a ça. Mais moi, je l'ai. Je l'ai eu dans la forêt. Oui, oui. Le caillou-là, je l'ai eu dans une forêt, quelque part. Je ne vais pas vous dire. Mon grand-père m'avait aidé. Il m'a dit, regarde ça. Prends ça. Prends, prends. Il a d'abord parlé. Je l'ai avec moi ici. Et deuxièmement, il y a l'arbre. Moi, l'arbre, je l'ai acheté au Bénin. Le type m'a vendu ça après 1 million. Donc, oui, l'arbre et la pierre du tonnerre, ça a un pouvoir. Non. Tridimensionnel, je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est trop fort. Vous pouvez faire beaucoup de choses à travers ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Mais parce que ce n'est pas parce que le tonnerre a tapé votre ami que vous dites que non, l'ami, il a été frappé par le tonnerre, que maintenant, il est devenu pouvoir. Non. Il a la chance qu'ils soient en vie. Ici, aux États-Unis, nous avons eu le cas de certaines personnes qui ont été frappées par le tonnerre comme ça. Ils devenaient maintenant débiles, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses. Donc, leur tête s'est ouverte. Ils devenaient maintenant voyants. On l'a amené à l'hôpital, mais on sortit de là. Ils te regardent. Toi là, ton père s'appelait Madouaka. Et pourtant, il n'est même pas gabonais. Il dit, oh, mais toi, tu sais ça comment? Donc, les Américains ont dit que c'est la folie. Ce n'est pas la folie. Parce que le tonnerre, quand il vous frappe, ça, c'est le pouvoir des tétamons. S'il vous a frappé avec ça, c'est que vraiment, vous êtes chanceux. Alors, à cette question, est-ce qu'on peut recevoir le pouvoir à travers le tonnerre? J'ai dit oui, si et seulement si vous avez la chance que ça vous frappe sans incidence, mais c'est souvent, c'est rare. Non, ben, parce que Vous pouvez avoir cette pierre, comme je vous ai dit, j'ai la mienne. J'ai l'arbre là. Quand je suis allé voir le monsieur béninois, pardonnez-moi. Je lui demande, mais vous savez ce que c'est? Il me dit, oh papa, pardon. Moi, je vends les articles seulement. Mais papa, on m'a dit que c'est puissant, c'est fort. Moi, là, normalement, je devais vendre ça même à 2 millions. Je dis, laisse-moi la politique là, laisse-moi le gros mensonge. Oh non, c'est la vérité. Je dis, bon, maintenant, dis-moi, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça, cette machin? La pierre, c'est plutôt l'arbre là, que le tonnerre a frappé là. Ça veut dire quoi? On appelle ça les cacas du tonnerre. Maintenant, les cacas du tonnerre, la chair du tonnerre que tu as, tu sais à quoi ça sert? Il me dit, non, moi, je vends seulement. Mais je vous dis, c'est une grâce que j'ai eu ça à 1 million. Certains endroits, ils vendent ça plus cher. D'autres questions. Comment maîtriser ses pensées? Bon, à cette question, vous êtes nouveau. J'ai près de 3 vidéos. Mon fils Bernardo est en train de regarder là. Il va vous balancer la vidéo. La maîtrise de vos pensées au quotidien. J'ai donné des enseignements dessus. Je ne vais pas venir parler de ça ici, là. Est-ce qu'une personne chargée mystiquement, on peut dire que cette personne a le pouvoir? Si quelqu'un est chargé mystiquement, est-ce qu'on peut dire que la personne a le pouvoir? Mais vous revenez encore sur ce que je viens de dire. J'ai dit ceci. Vous pouvez avoir le pouvoir. D'accord? Mais vous pouvez, le pouvoir peut partir. Mais quand vous devenez le pouvoir, il ne partira jamais. Parce que vous êtes le pouvoir. Vous n'aurez plus besoin de vous mettre à genoux. Ah oui, Marie, notre maman qui est en haut là-bas. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et Jésus-Christ, l'autre là qui est sorti de ton ventre là. Bon, on nous a dit que c'est au russe. Bon, pardonne-moi, maman. Vous n'aurez plus besoin de dire ça. Vous n'aurez plus besoin de notre Père qui est aussi. Non, parce que vous êtes devenu le pouvoir. Mais quand vous êtes devenu le pouvoir, vous êtes devenu une divinité exprimée. Vous êtes devenu Dieu. Et c'est ce langage qui dérange certains de nos frères chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas les étapes et les degrés de l'initiation. Voyez-vous, ils ne comprennent pas. Donc, à cette question, est-ce qu'une personne qui est chargée mystiquement, peut-on dire que la personne a le pouvoir? Ça dépend. Parce que sa charge peut être déchargée. Oui, votre batterie, la voiture peut être chargée, mais après 3 mois ou 6 mois, après c'est peut-être 2 ans ou 3 ans. Mais les batteries même de nos véhicules, là, on nous dit, ça a une valeur de, pardonnez-moi, ça a une valeur de combien de temps? N'est-ce pas? On vous dit la batterie a une garantie de 2 ans ou 4 ans. On vous donne la voiture, la batterie. Maintenant, vous vous êtes chargé mystiquement, mais vous êtes chargé comment? Est-ce que vous êtes chargé par les pouvoirs qu'on vous a donnés? Est-ce que vous êtes chargé par les bagues là qu'on vous a données? C'est là où se trouve votre pouvoir, ou bien les chaînettes. Pour moi, ce ne sont que des symboles que je porte. Je ne compte même pas sur ça. Je vous garantis. La preuve en est que ceux qui m'ont vu au cours du séminaire, ils n'ont vu aucune bague. Ils étaient surpris. Oh, mais le type là, on voit, il fait le live avec les bagues. Ce n'est pas nécessaire chez moi. Ce n'est pas les bagues là qui me protègent. Ce ne sont pas les chaînettes qui me protègent. Parce que je suis Dieu. Prenez ça comme vous voulez. Hein. Mais il faut être initié pour comprendre ce que je veux dire. Alors, donc, pour bien vous satisfaire à votre question, la charge mystique est un processus évolutif que vous avez subi à travers les initiations que vous avez reçues. Ça, puisque vous avez reçu ces initiations, ça veut dire que vous avez le pouvoir, mais que vous n'êtes pas encore le pouvoir. Parce que vous-même, vous avez utilisé le verbe, hein, c'est pas moi. Quand une personne est chargée mystiquement, on vous charge parce que vous recevez. Mais lorsque vous êtes devenu la connaissance, on ne vous charge plus. Parce que vous ne vous déchargez plus. C'est ce que moi je fais dans le pranayama yoga, le hatha yoga, jnana yoga, bhakti yoga. Vous, ce que je vous amène, où? Umudra yoga, asanas yoga, kamasutra yoga. Tout cela, c'est autant de techniques qui exprime votre être-té, qui exprime votre divinité. Vous êtes devenu un avec le tout. Mais quand vous êtes devenu un avec le tout, on va vous décharger encore comment? Moi, je vous dis, je sens un petit malaise là. Attends, attends. Voilà ma chaise, elle est là, ma chaise de méditation. J'ai fait ma respiration trois fois, quatre. Et puis terminé, la douleur est partie. Hein? Je n'ai pas eu besoin d'évoquer un esprit. Ah, la bague de protection, viens ici là. Oh, attends, la bague là, on m'avait envoyé ça du Pakistan. Ah, ça c'est la bague de. Comment être à l'abri des attaques, oh, et du besoin. Tu es là, esprit. Mets-moi à l'abri de l'attaque des machins, du besoin. Non, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que vous êtes devenu le pouvoir. Avançons. L'eau des cadavres, oh, mais vous aussi. Moi, j'ai parlé de l'eau des cadavres, histoire qui n'était pas là. J'ai donné un enseignement sur le rôle que joue l'eau des cadavres. Vous me posez la question, l'eau des cadavres, des pouvoirs, est-ce que ça a les pouvoirs? Non. Le pouvoir des eaux des cadavres que vous devez avoir, ce n'est pas les cadavres des pauvres gens. Parce que moi, là, moi quand j'ai dit cela, je ne vous ai pas dit d'aller faire la chasse maintenant à Gabochep. Ou bien si vous êtes à Abidjan, allez demander à monsieur Mamadou Sila. Oh, Mamadou Sila! Oui. Oh, Mamadou Sila, il y a monsieur le maître Mouéré là. Il nous a dit que les eaux des cadavres, là, c'est bon. Attends, est-ce que tu peux m'avoir 10 litres là? Non, pardon. Ce sont les hommes politiques. Eux, ils s'en foutent. Ils prennent n'importe quel eau des cadavres là pour aller faire leur fétiche. Mais pour vous, les eaux des cadavres qui viendront au pouvoir, je vous l'ai dit, ce sont les eaux des cadavres de vos parents. Souvenez-vous, parents directs. La vidéo est ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Le cadavre, c'est seulement les eaux des cadavres de vos parents, donc de votre père, de votre mère. Moi, je l'ai fait avec les eaux du cadavre de mon père et de ma mère. C'est avec moi, au Gabon. Donc, c'est ça. Comment faire pour avoir le français là? Oh, je vous ai dit, il faut me contacter en privé. On dit quoi là? Bon, la question sur la pierre là, s'il vous plaît. Vous avez cité le nom d'une pierre là, pardon. Je ne vais pas répondre à ça. Pardonnez-moi. Bien, on a terminé. Quelle heure est-il? Oh, attends. Oh, la pauvre maman va bientôt dormir, hein? Bientôt, il va être 23 heures. Bon, on a fini. Maintenant, on va passer à l'autre enseignement. Je vous donne une pause de 10 minutes, OK? C'est terminé pour cet enseignement de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette affaire du pouvoir, avoir le pouvoir et être pouvoir. Alors, je vous retrouve tout à l'heure, dans 10 minutes, pour ceux qui peuvent encore veiller avec moi. On parlera maintenant du pouvoir de la femme. Préparez-vous. Cette fois-ci, je ferai venir une maman qui viendra. Oh, ma papa, comment connaître le nom de ces anges de naissance? J'ai donné pourtant les références là depuis. Hein? Abonnez-vous là, il y a des vidéos sur ça. Commandez le livre aux éditions Ébussière. Voilà. Hein? Allez-y aux éditions Bussière. Il y a un livre intitulé Comment rentrer en contact avec notre ange de naissance. D'accord? Édition Bussière. Oui, il vous donne la technique. Moi, je ne vais pas vous expliquer ça ici en plein live. L'enseignement d'aujourd'hui, c'était sur la connaissance et le pouvoir. Bien. Nous allons finir par un son de musique. Et puis voilà. Alors, la maman, elle est en train de nous suivre. Va te préparer au. Je commence dans 10 minutes. Je commence dans 10 minutes. Et tous ceux qui sont là, si vous voulez, dans 10 minutes, nous allons redémarrer. J'ai déjà répondu sur la question des jumeaux, j'ai expliqué dans cet enseignement. Tout le monde le sait, vous n'avez pas besoin de poser la question. Tout le monde sait que les jumeaux ont des pouvoirs. Okay? Vous voulez que je vous explique un pouvoir? Ils ont mis un pouvoir, donc il faut faire l'initiation des jumeaux. Les jumeaux, ça existe. Oui, la réponse est oui, ils ont des pouvoirs. Mais je ne peux pas étaler leur pouvoir ici et expliquer le phénomène des pouvoirs qu'ils ont. Merci. Thank you. À tout à l'heure, dans 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.